encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Je suis une femme, même si mes larmes coulent encore, toujours plus fort. Mon âme reste intacte. Cela a toujours fait partie de notre pacte. J'ai fait beaucoup trop d'erreurs. Tu en as profité encore une fois pour briser mon cœur. Aurais-je la chance un jour de recevoir enfin un petit bout de ton amour? J'ai tellement donné autour de moi. Aujourd'hui je me rends compte que tu n'avais aucun droit de jouer avec mes sentiments, de me faire croire que tout resterait comme avant. Comme avant. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Tu me désires pourtant. Tu n'as envie de moi seulement que pour un court instant. Tu me vois idéal. Seulement tu ne pourrais pas m'imaginer être ta femme. Tu m'as classé dans tes fantasmes. Je resterai la seule qui t'a fait découvrir l'orgasme. De quoi est-ce que t'as peur? Pourquoi dire que c'est moi qui ai fait beaucoup trop d'erreurs? J'ai toujours réussi à avoir ce que je souhaitais de plus cher dans ma vie. Et pourtant je suis seule. Contre ma volonté j'ai recouvert mon cœur de ce linceul. Ce linceul. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Tout le monde a déjà rencontré ce que je pourrais appeler deux sortes de femmes. Chacune d'entre elles pourrait réanimer ta flamme. Le choix est si facile, tu préfères te contenter de celle qui sera plus docile. Malheureusement pour moi, devant ce spécimen femelle, je ne pourrais faire le poids. Tu voudrais pouvoir ne pas baisser les yeux en te regardant dans le miroir. Je ne suis pas heureuse de ma vie amoureuse. Tu seras malheureux de ne pas avoir eu le courage de réaliser tous tes vœux. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours. Pourquoi as-tu voulu encore me faire? J'en ai vraiment assez de toujours.